Yeah. Double KO, Snotty, Life Force, Spider, Roskilla, mec. 380 Paratox, c'est l'équipe, ça. Yeah. Paraprod. Ouais. 2007. 2007. 380 Paratox. Paratox. Yeah. Life Ball. Life Ball. Ok. Inimitable. Yeah. Yeah. Yeah. Inimitable. Le fort de nos styles tout fait. Et t'es un câble. La vibe qui en sort. Inimitable. C'est clair, tu peux pas nous suivre. Lâche l'affaire et kiffe notre vie. Inimitable. La force de nos styles tout fait. Et t'es un câble. La vibe qui en sort. Inimitable. C'est clair, tu peux pas nous suivre. Lâche l'affaire et kiffe notre vie. Ok poteau, pas de foutaise dans ce qu'on grattera. Les emmerdes vite te rattrapent et t'enferment à Alcatraz. Ne calcule pas, ne copie pas, ne calque pas nos quelques phases de nos combats qu'on a laissé quelque part. Hip hop verdict, toujours véridique. J'te dis ici faut faire vite car la chance n'est pas fertile. Averti, on l'est tous et ça on le sait car la rue l'enseigne. Faut rester vrai sans faire de mise en scène. Ouais, si on galère grave, on fait de la cible pour les bras. Pour ceux qui piquent des crames et pour ceux qui coupent la clame, lâche la passe, c'est la passe. Sans l'impact quand ça chasse, quand ça baffe, quand ça casse. Nous on s'accasse, tous ces rimes identiques comme les barrettes sur les plaquettes. Écoute, écoute la cire, on veut que ça paye en espèces ou en chèque. Inébranlable, sous nos fondations inimitables. Donc vas-y monte le son à fond. Inimitable, la force de nos styles tout fait. Et t'es un câble, la vibe qui en s'enrait. Inimitable, c'est clair tu peux pas nous suivre. Lâche l'affaire et qui hypnotise. Inimitable, la force de nos styles tout fait. Et t'es un câble, la vibe qui en s'enrait. Inimitable, c'est clair tu peux pas nous suivre. Lâche l'affaire et qui hypnotise. Inimitable depuis départ. De qui tu parles, pourquoi tu baves. Les qui se désarment, les filles se désapent. Le monde se dégrade, etc. 380 paradoxes. Yeah. On est inimitable. Ouais, ouais. Ça fait quoi ouais. Inimitable, les inconscients copient notre style. On reste toujours intact, alors touche pas à la famille. On rappe, on canne, on plombe et les mixtapes font mal. Ça rend malade, je fais ma place, pas d'invite, je m'installe. Je me méfie tout le monde, par moment j'ai l'air louche. Je suis surtout de pique ma ligne et squatté par les hnouches. Gros, viens pas me parler de tes histoires de taré. Arrête ça, t'es grillé, y'a trop de Kaiser sauté. Si tu veux prendre des lovés, j'ai grandi à la charte. Ouais. C'est de là qu'on s'est levé des bars. On veut peser les portes, exploser. Tu veux nous voir dead, non? T'inquiète, on va se relever. On est inimitable dans notre vie comme dans le rap. Inimitable dans nos choix comme dans nos prisons. Le fond et la forme c'est aimé. Mais ta froid t'as trouvé un paradoxe. C'est aimé, mais ta inimitable. La force de nos styles te fait. Et t'es un câble. La vibe qui en sort. Inimitable. C'est clair tu peux pas nous suivre. Lâche l'affaire et qui hypnotise. Inimitable. La force de nos styles te fait. Et t'es un câble. La vibe qui en sort. Inimitable. C'est clair tu peux pas nous suivre. Lâche l'affaire et qui hypnotise.